Amis auditeurs, amis auditrices, amis auditrans, bonjour. Voici le communiqué, une montagne en haute mer. Les insurgés zapatistes annoncent qu'ils traverseront l'Atlantique en 2021. Paru dans lundi matin 259, le 19 octobre 2020. Très récemment, début octobre 2020, les zapatistes ont publié un communiqué, dans ce style fleuri dont ils ont le secret. Message typique de la poésie révolutionnaire, message qu'il convient, comme tous les textes zapatistes, depuis la fin du XXe siècle, de mâcher et méditer. Communiqué annonçant la venue, possible, d'une délégation féminine en Europe, l'an prochain, en avril. Ce message, d'abord publié, en espagnol et en anglais, sur leur site en La Zapatista, a été repris et traduit en français sur ce site essentiel pour la diffusion du zapatisme en France, La Voix du Jaguar. Nous allons reprendre ici le communiqué zapatiste, pour lui offrir une nouvelle visibilité. Et à partir de la traduction offerte par La Voix du Jaguar. Nous remercions ce site et en profitons pour indiquer qu'il recèle des pépites, autant zapatistes, évidemment, que dues aux organisateurs du site. Par exemple, recommandons le remarquable article du 5 octobre 2020 par Louis de Colmar, « L'économie comme arme globalisée de l'État ». Ce merveilleux texte zapatiste que nous présentons, mais merveilleux comme tous les communiqués zapatistes, doit être lu lentement et avec rumination. Nous recommandons, en particulier, la méditation du point 4 sur le comportement face au virus. Et enfin, le point 6. Nous irons à la rencontre de ce qui nous rend égaux. Que la première destination de ce voyage planétaire sera le continent européen. Que nous naviguerons vers les terres européennes. Que nous partirons et que nous appareillerons, depuis les terres mexicaines, au mois d'avril de l'année 2021. Nous invitons ceux qui ont pour vocation, engagement et horizon, les arts et les sciences, à accompagner, à distance, mais avec soutien, les navigations zapatistes et les marches rebelles. Il est crucial pour nous, non seulement d'accompagner la voie zapatiste, mais d'en conserver la voie au plus profond de ses errances, comme une boussole infaillible. Sixième partie, une montagne en haute mer. Communiqué du comité clandestin révolutionnaire indigène. Commandement général de l'armée zapatiste de libération nationale. Mexique, le 5 octobre 2020. Au Congrès national indigène, Conseil indigène de gouvernement. À la Sexta nationale et internationale. Au réseau de résistance et de rébellion. Aux personnes honnêtes qui résistent dans tous les coins de la planète. Sur, frère, sur frère. Compagnera, compagnero, compagneroa. Nous, peuples originaires de racines mayas et zapatistes, vous saluons et vous disons que ce qui est venu à notre pensée commune, d'après ce que nous voyons, entendons et sentons. 1. Nous voyons et entendons un monde malade dans sa vie sociale, fragmenté en millions de personnes étrangères les unes aux autres, s'efforçant d'assurer leur survie individuelle, mais unies sous l'oppression d'un système prêt à tout pour étancher sa soif de profit, même alors qu'il est clair que son chemin va à l'encontre de l'existence de la planète Terre. L'aberration du système et sa stupide défense du « progrès » et de la « modernité » volent en éclats devant une réalité criminelle, les féminicides. L'assassinat de femmes n'a ni couleur ni nationalité, il est mondial. S'il est absurde et déraisonnable que quelqu'un soit persécuté, séquestré, assassiné pour sa couleur de peau, sa race, sa culture, ses croyances, on ne peut pas croire que le fait d'être femme signifie une sentence de marginalisation et de mort. En une escalade prévisible, harcèlement, violence physique, mutilation et assassinat, cautionnée par une impunité structurelle, elle le méritait, elle avait des tatouages, qu'est-ce qu'elle faisait à cet endroit à cette heure-là, habillée comme ça, il fallait s'y attendre, les assassinats de femmes n'ont aucune logique criminelle si ce n'est celle du système. De différentes strates sociales, d'âges qui vont de la petite enfance à la vieillesse et dans des géographies éloignées les unes des autres, le genre est la seule constante. et le système est incapable d'expliquer pourquoi cela va de pair avec son développement et son progrès. Dans l'indignante statistique des morts, plus une société est développée, plus le nombre des victimes augmente dans cette authentique guerre de genre. Et la civilisation semble dire aux peuples originaires, la preuve de ton sous-développement, c'est ton faible taux de féminicide. Ayez vos méga-projets, vos trains, vos centrales thermoélectriques, vos mines, vos barrages, vos centres commerciaux, vos magasins d'électroménager avec chaînes de télé inclus, et apprenez à consommer. Soyez comme nous. Pour payer la dette de cette aide progressiste, vos terres, vos eaux, vos cultures, vos dignités ne suffisent pas. Vous devez compléter avec la vie des femmes. Nous voyons et nous entendons la nature mortellement blessée, qui, dans son agonie, avertit l'humanité que le pire est encore à venir. Chaque catastrophe, naturelle, annonce la suivante et fait oublier, de façon opportune, que c'est l'action d'un système humain qui la provoque. La mort et la destruction ne sont plus une chose lointaine, qui s'arrête aux frontières, qui respecte les douanes et les conventions internationales. La destruction dans n'importe quel coin du monde se répercute sur toute la planète. 3. Nous voyons et nous entendons les puissants se replier et se cacher dans les prétendus états nationaux et leurs murs. Et, dans cet impossible saut en arrière, ils font revivre des nationalismes fascistes, des chauvinismes ridicules et un charabia assourdissant. C'est là où nous apercevons les guerres à venir, celles qui s'alimentent d'histoires fausses, vides, mensongères et qui traduisent nationalité et race en suprématie qui s'imposeront par voie de mort et de destruction. Les différents pays vivent la bataille entre les contremaîtres et ceux qui aspirent à leur succéder, qui occultent le fait que le patron, le maître, le donneur d'ordre, est le même et n'a d'autre nationalité que celle de l'argent. Tandis que les organismes internationaux languissent et se convertissent en simples appellations, des pièces de musée, ou même pas. Dans l'obscurité et la confusion qui précèdent ces guerres, nous entendons et nous voyons l'attaque, l'encerclement et la persécution de toute lueur de créativité, d'intelligence et de rationalité. Face à la pensée critique, les puissants demandent, exigent et imposent leur fanatisme. La mort qu'ils sèment, cultivent et récoltent n'est pas seulement la mort physique, elle inclut aussi l'extinction de l'universalité de l'humanité elle-même, l'intelligence, ses avancées et ses succès. De nouveaux courants ésotériques, laïcs ou non, déguisés en modes intellectuels ou en pseudo-sciences renaissent ou sont créés, et on prétend soumettre les arts et les sciences à des militantismes politiques. 4. La pandémie du Covid-19 a non seulement montré les vulnérabilités de l'être humain, mais aussi la cupidité et la stupidité des différents gouvernements nationaux et de leurs supposées oppositions. Des mesures du plus élémentaire bon sens ont été sous-estimées, le pari étant toujours que la pandémie allait être de courte durée. Quand la présence de la maladie s'est prolongée de plus en plus, les chiffres ont commencé à se substituer aux tragédies. La mort s'est ainsi convertie en un nombre qui se perd quotidiennement parmi les scandales et les déclarations. Une sinistre comparaison entre nationalisme ridicule. Le pourcentage de strikes et de home runs qui détermine quelle équipe de baseball, ou quelle nation, est meilleure ou pire. Comme il a été précisé dans l'un des textes précédents, au sein du zapatisme nous optons pour la prévention et l'application de mesures sanitaires qui, en leur temps, ont fait l'objet de consultations avec des scientifiques femmes et hommes qui nous ont orientés et nous ont offert leur aide sans hésiter. Nous, peuple zapatiste, leur en sommes reconnaissants et nous avons voulu le montrer. à 6 mois de la mise en œuvre de ces mesures, masques ou leur équivalent, distance entre personnes, arrêt des contacts personnels directs avec des zones urbaines, quarantaine de 15 jours pour qui a pu être en contact avec des personnes infectées, lavage fréquent à l'eau et au savon, nous déplorons le décès de 3 compagnons qui ont présenté 2 symptômes ou plus associés au Covid-19 et qui ont été en contact direct avec des personnes infectées. 8 autres compagnes roses et une compagne rat, qui sont morts durant cette période, ont présenté un des symptômes. Comme nous n'avons pas la possibilité de faire des tests, nous présumons que la totalité des 12 compagnes rats sont morts du dit coronavirus. Des scientifiques nous ont recommandé de supposer que tout problème respiratoire serait dû au Covid-19. Ces 12 disparitions sont de notre responsabilité. López Obrador présente le projet de son propre gouvernement comme celui de la 4e transformation, 4T, il suppose ainsi l'inscrire dans l'histoire révolutionnaire du Mexique, le premier moment étant celui de l'indépendance, en 1810, le deuxième, celui de la réforme, séparation de l'Église et de l'État, au milieu du 19e siècle, le troisième, celui de la révolution de 1910. Ce n'est ni la faute de la 4T ou de l'opposition, des néolibéraux ou des néoconservateurs, des chéros ou des fifis, de conspirations ou de complots. Nous pensons que nous aurions dû prendre encore plus de précautions. Note de traduction: chéro signifie suiviste, l'expression a été employée en particulier pour les inconditionnels de López Obrador, fifis, Jean Chic, BCBG. Ce proche et ce lointain dans la géographie. 6. Et nous avons décidé ceci. Qu'il est temps à nouveau que les cœurs dansent, et que leur musique et leurs pas ne soient pas ceux de la lamentation et de la résignation. Que diverses délégations zapatistes, hommes, femmes et femmes hommes de la couleur de notre terre, iront parcourir le monde, chemineront ou navigueront jusqu'à des terres, des mers et des cieux éloignés, cherchant non la différence, non la supériorité, non la confrontation, et moins encore le pardon et la compassion. Nous irons à la rencontre de ce qui nous rend égaux. Non seulement l'humanité qui anime nos peaux différentes, nos façons distinctes, nos langues et couleurs diverses. Mais aussi, et surtout, le rêve commun que nous partageons en tant qu'espèce depuis que, dans l'Afrique qui pourrait sembler lointaine, nous nous sommes mis en marche depuis le giron de la première femme, la recherche de la liberté qui a impulsé ce premier pas, et qui est toujours en marche. Que la première destination de ce voyage planétaire sera le continent européen. Que nous naviguerons vers les terres européennes. Que nous partirons et que nous appareillerons depuis les terres mexicaines, au mois d'avril de l'année 2021. Qu'après avoir parcouru différents recoins de l'Europe d'en bas et à gauche, nous arriverons à Madrid, la capitale espagnole, le 13 août 2021, 500 ans après la prétendue conquête de ce qui est aujourd'hui Mexico. Et que, tout de suite après, nous reprendrons la route. Que nous parlerons au peuple espagnol. Non pas pour menacer, reprocher, insulter ou exiger. Non pas pour exiger qu'ils nous demandent pardon. Non pas pour les servir ni pour nous servir. Nous irons dire au peuple d'Espagne 2 choses simples. 1. Qu'ils ne nous ont pas conquis. Que nous sommes toujours en résistance et en rébellion. 2. Qu'ils n'ont pas à demander qu'on leur pardonne quoi que ce soit. Ça suffit de jouer avec le passé lointain pour justifier, de façon démagogique et hypocrite, les crimes actuels et qui continuent, l'assassinat de lutteurs sociaux, comme le frère Samir Flor Soberan, les génocides que cachent des mégaprojets conçus et réalisés pour contenter le puissant celui-là même qui sévit dans tous les coins de la planète, l'encouragement par le financement et l'impunité des paramilitaires, l'achat des consciences et des dignités pour 30 deniers. Nous, hommes, femmes, femmes-hommes zapatistes, nous ne voulons pas revenir à ce passé, ni seul ni encore moins en compagnie de qui veut s'aimer la rancœur raciale et prétend alimenter son nationalisme réchauffé avec la supposée splendeur d'un empire, celui des Aztèques, qui a cru au prix du sang de leurs semblables, et qui veut nous convaincre qu'avec la chute de cet empire nous, peuples originaires de ces terres, avons été vaincus. Ni l'État espagnol ni l'Église catholique n'ont à nous demander pardon de quoi que ce soit. Nous ne nous ferons pas l'écho des charlatans qui se valent de notre sang et ainsi cachent que leurs mains en sont tachées. De quoi l'Espagne va-t-elle nous demander pardon ? D'avoir enfanté Cervantes. José Espronceda. Léon Felipe. Federico Garcia Lorca. Manuel Vázquez Montalbán. Miguel Hernández. Pedro Salinas. Antonio Machado. Lope de Vega. BCQE. Almudena Grande. Panchito Varone, Ana Belén, Sabina, Serra, Ibané, Liac, Amparanoa, Miguel Rio, Paco de Lucia, Victor Manuel, Haute Toujours. Buñuel, Almodovar et Eurado, Sora, Fernand Gomez, Fernando León, Bardem. Dali, Miro, Goya, Picasso, Le Greco et Velázquez. Une des meilleures parts de la pensée critique mondiale, sous le sceau du libertaire. L'exil. Le frère Maya Gonzalo Guerrero. De quoi va nous demander pardon l'Église catholique ? De la venue de Bartolomé de Las Casas. De Don Samuel Ruiz Garcia. D'Arturo Lone. De Sergio Méndez Arceo. De la surchapie. Des présences des prêtres, surreligieuses et séculaires qui ont cheminé aux côtés des peuples originaires sans les diriger ni les supplanter. De ceux qui risquent leur liberté et leur vie pour défendre les droits humains. En l'année 2021, il y aura 20 ans de la marche de la couleur de la terre, celle que nous avons réalisée avec les peuples frères du Congrès national indigène pour exiger une place dans cette nation qui maintenant est en train de s'effondrer. 20 ans après, nous naviguerons et marcherons pour dire à la planète que, dans le monde que nous sentons dans notre cœur collectif, il y a de la place pour toutes, tout, toutes. Purement et simplement parce que ce monde n'est possible que si toutes, tout, toutes, nous luttons pour le construire. Les délégations zapatistes seront conformées en majorité de femmes. Non seulement parce qu'elles veulent ainsi rendre l'embrassade qu'elles ont reçue dans les rencontres internationales précédentes, mais aussi, et surtout, pour que nous, hommes zapatistes, manifestions clairement que nous sommes ce que nous sommes, et que nous ne sommes pas ce que nous ne sommes pas, grâce à elles, à cause d'elles et avec elles. Nous invitons le CNICIG à former une délégation pour nous accompagner et qu'ainsi notre parole soit plus riche pour l'autre qui lutte au loin. Nous invitons en particulier une délégation des peuples qui portent le nom, l'image et le sang du frère Samir Flor Soberan, pour que leur douleur, leur rage, leur lutte et leur résistance parviennent plus loin. Nous invitons ceux qui ont pour vocation, engagement et horizon les arts et les sciences à accompagner, à distance, nos navigations et notre marche. Et qu'ainsi ils nous aident à diffuser ce qu'en ceci, les sciences et les arts, contient la possibilité non seulement de la survie de l'humanité, mais aussi celle d'un monde nouveau. En résumé, nous partons pour l'Europe au mois d'avril de l'année 2021. La date et l'heure. Nous ne le savons pas, encore. Compagnera, compagnero, compagneroa. Sur, frères et sur frères. Ceci est notre détermination. Face aux trains puissants, nos canaux. Face aux centrales thermoélectriques, les petites lumières que nous, femmes zapatistes, avons données à garder aux femmes qui luttent dans le monde entier. Face aux murs et frontières, notre navigation collective. Face au grand capital, une parcelle de maïs en commun. Face à la destruction de la planète, une montagne naviguant au point du jour. Nous sommes apatistes et porteurs CES du virus de la résistance et de la rébellion. En tant que tels, nous irons dans les 5 continents. C'est tout, pour l'instant. Depuis les montagnes du sud-est mexicain. Au nom des femmes, des hommes et des autres apatistes. Sous-commandant insurgé Moisé. Mexique, octobre 2020. PS, oui, c'est la sixième partie et, comme le voyage, elle continuera en sens inverse. C'est-à-dire que la suivra la cinquième partie, puis la quatrième, ensuite la troisième, elle continuera avec la deuxième et finira avec la première. Traduit de l'espagnol, Mexique, par Joanny Ocangem. Texte d'origine, en la Zapatista. C'était une sélection radio parasite. À bientôt. Et bon baiser numérique.